Cette diminution portera sur le nombre de nos implantations et sur près du quart des effectifs. Elle ne devrait pas avoir d'incidence sensible sur notre capacité d'action, compte tenu de l'accroissement de la mobilité de nos forces. Toutes ces initiatives ne traduisent en aucun cas un abandon, ni même le début d'un désintérêt. L'avenir de l'Afrique, et plus particulièrement de l'Afrique francophone, reste au cœur des préoccupations du gouvernement français qui souhaite participer au développement de la paix, de la démocratie et de la prospérité sur ce continent. Cette nouvelle approche vise notamment à une meilleure prise en compte de leurs préoccupations de sécurité par les États africains eux-mêmes. Ainsi, pour leur permettre de maîtriser par eux-mêmes les crises qui continuent d'entretenir l'instabilité sur ce continent, la France œuvre avec détermination à la mise sur pied d'une capacité interafricaine de maintien de la paix. La mission interafricaine de surveillance des accords de Bangui apporte à cet égard un exemple concret et encourageant de ce qui pourrait être accompli à l'avenir. Nous chercherons à améliorer l'efficacité de notre coopération militaire en mettant l'accent sur la réalisation de projets limités dans le temps, comme dans leur objet, et définis en commun avec nos partenaires africains. Cette doctrine de la non-intervention va trouver son accomplissement en décembre 1999, lorsque les troupes françaises ont refusé d'intervenir lors du coup d'État du général Gueye, qui a renversé le président ivoirien Henri Conan Bédié. Les troupes françaises se sont simplement contentées de faciliter l'évacuation du président de la République et de son épouse. Qu'il s'agisse de l'affaire Ben Barka, des diamants de Bokassa qui peuvent en partie expliquer la non-réélection de Valéry Giscard d'Estaing au présidentiel de mai 1981, ou encore des activités du mercenaire Bob Denard, notamment aux Comores, ou bien des questions que pose le comportement de l'entourage du président Mitterrand et singulièrement celui de son fils Jean-Christophe. Les affaires auront marqué ses 40 ans de présence française en Afrique. Mais aucune d'entre elles ne peut, par son ampleur, se comparer avec celle qu'analyse ici l'économiste Olivier Vallée, interviewé par François Picard de RFI sur les révélations d'André Tarallo, l'ancien président directeur général d'Elf Afrique.